que l'on trouvait après la pluie tombée, de longues flaques serpentines barrant les champs de blé, c'était preuve que la vouivre venait juste de passer. Dans le vieux comté, tout le monde croyait que lorsque les nuages en lambeaux déchiquetés ressemblaient aux haillons des claquepins débraillés, c'était preuve que la vouivre venait juste de passer. Dans le vieux hameau, tout le monde savait que lorsque la marée assaillait les rochers en flots tourbillonnants, noyant les bateliers, c'était preuve que la vouivre venait juste de passer. Dans la vieille forêt, tout le monde pensait que lorsqu'on distinguait des ombres dans les bosquets, filer sans un craquement, plus rapide que le vent, c'était preuve que la vouivre venait juste de passer.